L'actualité des sciences, les aventuriers avec vous. Bonjour Fabienne Chauvière. Bonjour Eric. Alors on va se déhancher ce matin. Vous voulez nous faire croire que tout le monde peut danser comme Michael Jackson ou Rudolf Nureyev? Oui, des chercheurs ont mis au point un procédé qui pourrait vous faire danser, Eric, comme un dieu en vidéo. Et c'est assez bluffant. Vous dansez, mademoiselle? L'intelligence artificielle, on le sait, peut truquer des vidéos en remplaçant par exemple des visages par d'autres. Cette technique est appelée deepfake, mais une nouvelle étape vient d'être franchie. Une équipe de chercheurs de l'université de Berkeley en Californie a développé des algorithmes qui peuvent copier la chorégraphie d'un danseur et la calquer sur le corps d'une autre personne. Dans leur article scientifique, les créateurs de cette technique expliquent que la machine analyse d'un côté des vidéos d'un danseur expérimenté et d'un autre côté celles d'un amateur. Les mouvements sont décomposés en bâtonnets, puis surimposés sur une vidéo de vous, Eric, par exemple. Et là, on vous transforme en Fred Astaire ou en Marie-Claude Pietragala. Et pour voir à quoi ressemble tout ça, eh bien, un lien existe sur la page du 6-9 Weekend. La feignantise maintenant, il paraît que ce serait une bonne stratégie pour que son espèce vive plus longtemps. Une étude montre que les espèces qui ont un métabolisme intense risquent plus l'extinction. Alors vive la paresse. Une étude britannique s'est intéressée aux mollusques de l'océan Atlantique, à des bivalves et des gastéropodes actuels ou fossiles. La période d'étude couvrait environ 5 millions d'années. Les chercheurs ont réussi à calculer leur métabolisme de base et ont observé une différence significative entre les animaux qui se sont éteints et ceux qui ont survécu. Les espèces disparues avaient tendance à avoir des métabolismes plus élevés que les espèces toujours vivantes. Les espèces les plus apathiques semblent donc mieux survivre. Moralité, moins on en fait, mieux l'espèce se porte. On ne sait pas si cela est valable pour l'homme. Bouge pas comme ça, tu me fatigues. On a le temps, faut prendre son temps. Alexandre le bienheureux, Philippe Noiret. Fabienne, il paraît que les perroquets rougissent. Oui, c'est ce que viennent de découvrir des chercheurs de l'INRA. Ils ont filmé des haras dans un zoo. Ils ont observé que les oiseaux rougissaient en présence des soigneurs. T'as de bons yeux, tu sais. L'émotion peut faire rougir les humains, mais peut-être aussi les oiseaux. Des chercheurs français ont publié une étude dans une revue américaine la semaine dernière. Une partie des joues du perroquet hara est sans plumes, et cette peau blanche peut rougir quand les oiseaux sont émus. Des chercheurs de l'INRA ont filmé des perroquets sur un perchoir d'une volière du zoo de Beauval. La plupart du temps, la peau des oiseaux autour des yeux se mettait à rougir quand les soigneurs s'occupaient d'eux. L'expérience ne s'est portée que sur 5 perroquets. Les chercheurs veulent maintenant créer une méthode qui permettra de mieux comprendre la sensibilité et les émotions des oiseaux. En attendant, il y en a qui les mettent toujours en cage. On va s'intéresser maintenant au contenu des couches bébés. Pourquoi ? Eh bien, il paraît que ça pourrait valoir de l'or. Car selon une récente étude, certains types de bactéries présentes dans des excréments de bébés pourraient aider nos intestins. C'est l'or ! Des chercheurs de Caroline du Nord pensent avoir mis au point un cocktail dérivé de souches de bactéries intestinales présentes dans les excréments des bébés. Ce cocktail serait capable d'aider notre corps à produire certains acides gras indispensables à la bonne santé de nos intestins. Les personnes atteintes de diabète, d'obésité, de maladies auto-immunes et de cancer ont souvent moins d'acides gras. Leur augmentation peut restaurer un environnement intestinal normal. Les chercheurs expliquent avoir isolé 10 souches bactériennes dans des excréments de bébés. Des tests effectués chez la souris et dans un environnement simulant les intestins humains ont montré que la méthode était efficace. Du caca de bébé pour aider à digérer. Bon petit déjeuner. Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur épouvantable ? Bon petit déjeuner, effectivement.